Je me réjouis en toi. À toi la gloire. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs ce soir. Et atteins tes objectifs. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons la troisième base de la réussite selon Dieu. Quelle est la première base? Quelle est la première base? Je ne vous attends pas. Connaître son nom, ton nom divin. Quelle est la deuxième base? S'engager à poursuivre ta destinée. La troisième base, c'est gagner le cœur de Dieu. Gagner le cœur de Dieu. Kuweza kupata roho ya Mungu. Les hommes dans notre société, watu ndani ya jamii yetu, lorsqu'ils ont gagné le cœur de quelqu'un de grand, wakati wamepata roho ya mtu mkubwa, ils s'en réjouissent, wanafurahi, et arrivent même à s'avanter, na wanaanza kujitapa, à gauche et à droite, kushoto na kuume. Parce que gagner le cœur de quelqu'un, sababu kupata roho ya mtu, te donne une sorte d'approche, inakupatia, dans les privilèges de cette personne. Kibali ndani ya maisha ya ule mtu. Quand tu gagnes le cœur d'un grand, unapoweza kupata roho ya mtu mkubwa, ta vie s'approche à peu près, maisha yako inakaribia, à son statut, kwa cheo chake. Les gens qui te connaissent watu et qui savent que tu es dans le cœur de tel grand, ils ont un certain égard envers toi. Wanahesima mbele yako. Quiconque veut réussir dans la vie yoyote anayehitaji kufanikiwa maishani doit gagner le cœur anapaswa kuweza kupata de celui qui est plus grand, roho ya mtu aliye mkubwa zaidi. Parce que si tu gagnes le cœur de quelqu'un qui n'est pas suffisamment grand, sababu kiweza kupata roho ya mtu ambaye si mkubwa zaidi, même quand cette personne deviendra ton allié, hata kama mtu ataungana na wewe, s'il existe quelqu'un de plus grand que lui, kama kuna mtu mkubwa kumshinda yeye, il peut venir marcher sur ton alliance avec ce petit grand. Anaweza kuja na natembea juu agano lako pamoja na ule mtu mkubwa mdogo. Vous avez compris ça? Si mumeelewa hiyo. Petit grand. Mkubwa mdogo. Ou le grand petit. Ama mdogo mkubwa. Or sur la terre, itapokuwa duniani, il n'existe pas hakuna véritablement quelqu'un de grand. Mtu ambao ni kikweli ni mkubwa. C'est pourquoi même les grands de ce monde sont constamment en quête de trouver quelqu'un de plus grand. Kila mara wanatafuta wampate mtu mkubwa zaidi. Et cela les conduit dans l'occultisme. Na hii inawaongoza ndani ya uchawi. Malheureusement, bahati mbaya, lorsqu'ils vont dans ces voies-là, dans ces réseaux-là, ils ont l'impression de rencontrer quelqu'un de correct mais de grand. Et lorsqu'ils l'ont rencontré, ils se rendent compte qu'il ne suffit pas comme grand. Cet homme-là, ou cet personnage, ne leur suffit pas comme grand. C'est comme ça qu'ils sont en quête constante et accrue pour rechercher quelque chose de plus grand. Malheureusement, ces petits grands-là, qu'on appelle le prince de ce monde, il va manœuvrer, manipuler ses alliés-là jusqu'à ce que ils se rendent compte qu'ils sont dans une impasse. Ya kwamba wamefika ndani ya ukiwa. Il n'y a pas d'issue. Hakuna lengo ambalo wamefikia ndani. C'est pourquoi, ndio maana, vous allez observer ceci. Mtagundua hii. Qu'il y a du réel et du faux. Kuna kitu cha kweli na cha uongo. Dans ces manipulations diaboliques. Ndani ya hii kutumikishwa na kimashetani. y a beaucoup d'amplificateurs. Kuna vitu vingi ambavyo vinatia mkazo. Que le diable active. Ambao shetani anavisisimua. Dans l'esprit de ceux qui le servent. Ndani ya roho ya wanaomtumikia. Dans l'esprit de ceux qui sont dans l'occultisme. Ndani ya roho walio ndani ya uchawi. Parce que sachant. Sababu akichua. Qu'il n'est pas capable de devenir le grand suprême. Ya kwamba hana uwezo ya kuwa mkubwa zaidi. Alors il amplifie des choses. Sasa anatia mkazo kwa vitu. Pour donner l'impression à ceux qui le suivent. Ili aweze kuonyesha wanaomfuata. Qu'il est le top. Ya kwamba yeye ndiye mkubwa. Donc il y a du faux quelque part. Kusema kuna uongo nafasi fulani. Il est vrai qu'il est capable de certaines choses. Inakuwa kweli anaweza mambo fulani. Mais heureusement. Lakini bahati nzuri. J'ai un message pour quelqu'un ce soir. Nina ujumbe kwa ajili ya mtu mangaribia leo. C'est qu'au-dessus de lui. Ya kwamba il y a un grand. Juu yake kuna mkubwa zaidi. Qu'on appelle Yahweh. Ambaye wanamuita Yahweh. Il s'appelle Dieu suprême. Anaitwa Mungu mkubwa. Le créateur. Muumbaji. Je vous ai lu dans le passé. Niliwasomea wakati uliopita. Ishaili inayosema. Que celui qui n'a pas créé les cieux et la terre. Ya kwamba ambaye hakuumba mbingu na dunia. Sort de cette terre. Aenda katoke ndani ya hii dunia ambayo Mungu aliumba. Qu'il aille dans ce ciel et dans sa terre. Naenda ndani ya dunia na mbingu yake ambayo yeye mwenyewe alichoumbia. Dieu est capable d'être assez arrogant à ce niveau-là. Mungu anayo uwezo wa kujiwazia kwa ile kiwango. Et de dire, na kusema, toi qui parles dans mon royaume, wewe unayesema ndani ya ufalme wangu, toi qui parles dans mes affaires, wewe ambaye unasema ndani ya makazi zangu, wewe ni nani? As-tu créé les cieux et la terre? Wewe uliumba mbingu na dunia? Oh, les cieux et la terre signifient l'univers. Ichapokuwa mbingu na dunia inamaanisha ulimwengu. Parce que la terre est inclus dans l'univers. Sababu dunia iko ndani ya ulimwengu. Si tu n'as pas créé les cieux et la terre, kama wewe hukumba mbingu na dunia, alors sors de mes affaires. Sasa toka ndani ya mambo yangu. Le diable Satan, Shetani, ne sera jamais capable hatakuwa na uwezo hata siku moja de créer ce ciel et sa terre. Ya kumba mbingu yake na dunia yake. Vous en connaissez? Si mnaijua. C'est comme ça qu'il amène beaucoup de gens dans l'illusion. Ndio maana anaweka watu wengi ndani ya kufikiri mambo makubwa. Asiye tuenda mbahari. Nous allons aller dans les lacs. On a eu beaucoup de maisons là-bas. Na tukapata manyumba nyingi huko. C'est des vraies maisons? Ni manyumba za kweli? Ou c'est des maisons spirituelles? Ama zinakuwa manyumba za kiroho? Oh, tukafika kubaha tukashuka mule ndani. Nous y sommes arrivés, nous sommes descendis. Tukakuta kuko batu kuchini. Et nous avions rencontré tant de gens. Eh. Hey. Tena tutarudia kwa kesho. Et nous allons encore y retourner demain. Ah bon? Kweli bana ikuko na ma voiture na magari. C'est vrai, il y a même de voitures. Kule kuzimu. Là dans l'enfer. Vous voyez ce langage là? Si mnaona hii maneno. Finalement ces maisons et ces choses hii manyumba na haya mambo. Sont vraiment où? Ziko wapi? C'est comme des films dans l'esprit de cette personne qui est esclave. Ni kama filamu ndani ya roho ya mtu ambaye anakuwa mtumwa. Mais la différence avec Dieu. Lakini utofauti pamoja na Mungu. Si Dieu veut créer des maisons dans les lacs qui vous là dedans. Kama Mungu anapenda aumbe manyumba ndani ya hii ziwa Kivu. Tu peux prendre les sous-marins. Unaweza kamata unaingilia ndani. Et tu descends dans le lac. Na unashuka ndani ya ziwa. Et tu trouves les maisons que Dieu a implantées dedans. Na unakuta manyumba ambayo Mungu ametenga. Parce qu'il dit un mot. Sababu anasema neno moja. Na jambo linatimilika. Alors viens vers ce Dieu. Cherche à gagner le cœur de ce Dieu. S'il y a des choses qui ne sont pas possibles avec toi, au moins lui il a le pouvoir de créer ça. S'il y a une trompe qui a été enlevée dans ton corps, kama kuna kiungo ambacho kiliondolewa ndani ya mwili wako, Dieu peut refabriquer ça. Mungu anaweza kukitengeneza upya. S'il y a un utérus qui a été enlevé, kama kuna kitu kilichoondolewa ndani ya mwili wako, Dieu peut refabriquer et remettre ça. Mungu anaweza kuitengeneza na nairudisha. C'est pourquoi Jiomana, ce soir mangaribia leo, j'aimerais que quelqu'un capte ningependa mtu asikilize cette troisième base hii msingi wa tatu gagner le cœur de Dieu kupata roho ya Mungu avoir un Dieu comme celui-là kuwa na Mungu kama huyo quelle richesse eh ni utajiri gani il est sans limite yeye hana mpaka. Nous avons lu hier tulisoma jana Ce qu'il raconte au sujet de son peuple par Balaam. Vous vous souvenez de ça? Dans Nombre chapitre 23 à 25. Il y a certaines phrases là-dedans. Des précieuses phrases. Regardez ça avec moi. Balaki m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient en disant, viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Et comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Oh mon Dieu. Quel est le problème? Israël a gagné le cœur de Dieu. Roho ya Mungu. Dites à ton voisin, Dieu a un cœur. Dis-lui, Dieu a un cœur. Dieu n'est pas un morceau de bois. Dieu n'est pas un plâtre. Dieu est vrai. Il est vivant. Et lorsqu'on gagne son cœur, non, mais quelle richesse! Quelle réussite! Dites à ton voisin, mon frère, tu dois gagner le cœur de Dieu. Roho ya Mungu. Il faut le gagner. Inaomba uipate. Regardez les versets suivants. Neuf. Il dit, je le vois du sommet des rochers. Il voit quoi? Anaona nini? Il voit Israël. Anaona Israël. Du sommet des rochers. Akiwa juu ya je le contemple du haut des collines. Na namuona akiwa juu ya vilima. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Ni taifa ambalo lina makao yake kando. Wow. Wow. Depuis quand? Tangu siku gani? Parce qu'ils ont gagné le cœur. Sababu wamepata roho. De Dieu. Roho ya Mungu. Et qui ne fait point partie des nations. Ambao haiko miongoni mwa mataifa. Vous voyez? Simunona. Si tu gagnes le cœur de Dieu, kama unapata roho ya Mungu, Dieu peut commencer à te regarder. Mungu anaweza anza kukuangalia. Comme quelqu'un qui ne fait pas partie de nous ici. Kama mtu ambaye haiko miongoni mwetu hapa. Dieu peut commencer à te regarder comme si tu n'étais pas congolais. Mungu anaweza anza kuangalia kama wewe si mkongomani. Le honte qu'on subit partout par là. Na aibu na hatu unayopata huko na kule. Peut être différent pour toi. Inaweza kuwa tofauti kwako. Gagner le cœur de Dieu. Kupata roho ya Mungu. Bwana sifu. Amina. Et il ajoute. Na naongeza. Qui peut compter la poussière de Jacob? Na naweza kuhesabu. Et dire le nombre du quart d'Israël. Na aanze kuhesabu kambi ya Waisraeli. Alléluia. Amina. Que je meure de la mort des justes. Nikufe kifo cha wenye haki. Et que ma fin soit semblable à la leur. Na mwisho wangu fanane na wao. Mungu Baba. Oh mon Dieu. Que je meure même comme eux. Qu'est-ce qu'ils ont? Wananini? Ils ont le cœur de Dieu. Wamepata roho ya Mungu. Que je meure de leur mort. Nikufe kwa kifo chao. Ruth a compris cela. Ruth alielewa hii. Elle dit à Naomi. Na namwambia Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Là où tu mourras. Utakapokufa. Je mourrai. Nami nitakufa. Ton peuple sera mon peuple. Taifa lako itakuwa taifa langu. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Na Mungu aniadhibu kwa ukali wake wote. Si je dois rentrer chez nous chez les Moabites. Kama nitarudi kwetu kwa Wamoabu. Et puis elle dit, na kisha nasema, ne me force pas de t'abandonner. Usinikaze kukuacha. Unahamakia mamukwe. Tu commences à te moquer de ta belle-mère. Tu commences à retorquer. À réprimer sa belle-mère. À réprimer ta belle-mère. Qu'est-ce que tu as compris, Ruth? Umelewa nini, Ruta? Avoir les dieux dont on parle là-bas. Kukuwa na ule Mungu anayemzungumzia hapo. Vous pouvez me priver de tout ce que vous voulez. Unaweza kuninyang'anya yote unayopenda. Laissez-moi ces dieux-là. Na mniachie tu ule Mungu. Et quand vous lisez Matthieu, na unaposoma Matayo, et vous trouvez le nom de Ruth, unapata jina Aruta, vous savez mes amis, mnajua rafiki zangu, même si Ruth n'est plus là, hata kama Ruta iko tena, il y a des siècles qu'elle est morte. Si kuna karne amekufa, on parle d'elle. Si tunamzungumzia. Et toi, qui va parler na de wewe, toi dans des siècles? Nani atakaye kukuzungumzia ndani ya karne mbili? Est-ce qu'on saura même après 10 ans après ta mort? Est-ce qu'on saura même que tu as existé? Mais quelle est la particularité de Ruth? Elle a dit, le Dieu de ce peuple, je veux ce Dieu-là. Napenda ule Mungu. Je veux ce Dieu. Napenda ule Mungu. Naomi, ne me le refuse pas. Usimuni katalie. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Ce Dieu a un cœur. Ule Mungu ana roho. Et il faut le gagner. Na inaomba kuipata. Dans 1 Samuel chapitre 2 verset 35. Ndani ya Samueli wa kwanza 2 makumi tatu na tano. Déçu du prophète des sacrificateurs Eli. Mungu anapoanza kujuta juu ya kuhani Eli. Prononce une sentence que j'ai jamais supportée. Quand je lis cela, je me dis Seigneur, pardon. Anatamka hukumu ambayo mimi sivumilie. Regardez. Mwone. Une sentence. Azabu. Déçu de ce sacrificateur. Juu ya kujuta na ule kuhani. Parce que Eli a échoué dans sa carrière de sacerdoce. Sababu Eli alishindwa ndani ya kazi yake ya ukuhani. Par une tolérance coupable. Akiwa anavumilia mambo ambayo anaweza kuwazibu. Des abominations de ses fils. Na machukizo ya watoto wake. Dieu dit. Mungu anasema. Je m'établirai. Nitajiweke. Un sacrificateur fidèle. Kuhani ambaye ni mwaminifu. Qui agira selon mon cœur. Ambaye atatenda kufuatana na roho yangu. Et selon mon âme. Na kufuatana na nafsi yangu. Je lui bâtirai une maison. Na nitamjengea nyumba. Stable. Ambayo itastawi. Et il marchera toujours. Na atatembea kila siku. Devant mon oin. Mbele ya mpakaliwa wangu. Je m'établirai. Nitajiwekea. Un sacrificateur. Kuhani. Fidèle. Ambaye ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Amina. Dans Jérémie 3:15, il dit, Yeremia 3:15, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Nitawapatia wachungaji kufuatana na roho yangu. Et ils vous paîtront. Na watawachunga. Avec intelligence. Pamoja na akili. Et avec sagesse. Na pamoja na hekima. Des bergers wachungaji selon mon cœur. Kufuatana na roho yangu. Autrement, des bergers kwa maneno mengine qui ont gagné mon cœur. Ambao wamepata roho yangu. Je me ferai un sacrificateur nitajifanya kuhani qui a gagné mon cœur. Nitajifanya kuhani ambaye amepata roho yangu. Et ce fils est petit que Anne est allé laisser à l'église. Na ni huyu kijana ambao Anna alienda kuacha kanisani. Samuel. Samuel. Et dans Actes 13:21-22. Matendo ya mitume 13 mstari wa 22. Et puis l'ayant rejeté, kisha kumkataa, il les ressuscita pour roi David, akawaletea mfalme Daudi, auquel il a rendu ce témoignage. Ambao alitoa ushuhuda huu yake. J'ai trouvé David, nimempata Daudi, fils d'Isaïe, mwana wa Yese, homme selon mon cœur, mtu kufuatana na roho yangu, qui accomplira ambaye atatimiza toutes mes volontés. Mapenzi yangu yote. Vous allez vous rendre compte de ceci. Mutagundua hii. Pendant que nous sommes en quête de gagner le cœur de Dieu, wakati tunatafuta kupata roho ya Mungu, Dieu est aussi en quête de trouver quelqu'un Mungu naye anatafuta mtu qui cherche son cœur. Ambaye anatafuta roho yake. Et quand ça fonctionne de cette façon, ça marche vite. Na wakati mambo inaendeka hivi, mambo inaenda vizuri. Moi je cherche Dieu. Mimi natafuta Mungu. Et Dieu me cherche. Na Mungu ananitafuta. Souvent nous avons l'impression de chercher Dieu. Mara tunawaza tunamtafuta Mungu. Et que lorsque plus nous le cherchons, na zidi tunamtafuta. Il s'éloigne de nous. Zidi anaenda mbali na sisi. Il nous dit niache, niache. Na anawaambia laissez-moi. Mais Dieu nous cherche. Lakini Mungu anatutafuta. La Bible dit Dieu cherche un homme. Biblia inasema Mungu anatafuta mtu. Il dit, j'ai cherché un homme. Nilimtafuta mtu mmoja. Et j'ai trouvé David. Na nikampata Daudi. Homme selon mon cœur. Mtu kufuatana na roho yangu. Accomplira toutes mes volontés. Atakayetimiza mapenzi yangu yote. Toutes mes volontés. Mapenzi yangu yote. toutes mes volontés. Mapenzi yangu yote. Les hommes et les femmes wanaume na wanawake qui ont réussi à gagner le cœur de Dieu ambao waliweza kupata roho ya Mungu ont réussi dans quelques domaines que ce soit de leur vie. Walifanikiwa ndani ya kila uwanja wa maisha yao. Si tu te réveilles le matin kama unaamka asubuhi avec comme souci ukiwa na hitaji de gagner le cœur de Dieu ya kupata roho ya Mungu ce jour-là ile siku tu auras un escorte des anges utakusindikizwa na malaika. Vous savez, les gens de ce monde, dès l'instant où ils réussissent ou gagnent le cœur de quelqu'un, watu wa dunia hii wanapopata roho ya mtu, on peut observer même que leur comportement change. Unaweza kuona mwenendo wao umebadilika. Mais quand on est dans le cœur du grand, grand Dieu, lakini unapokuwa ndani ya roho ya Mungu, Mungu mkubwa, notre comportement devrait changer aussi. Si mwenendo wetu nasi ungepaswa kubadilika. Alors, trois exigences. Sasa kuna masharti tatu. Pour gagner le cœur de Dieu. Ili uweze kupata roho ya Mungu. La première exigence. Sharti ya kwanza. Tu dois t'inscrire. Unapaswa kujiingiza. Dans la logique. Ndani. Du royaume de Dieu. Ya mawazo ya ufalme wa Mungu. S'inscrire dans la logique du royaume de Dieu. Kujiingiza ndani ya mawazo ya ufalme wa Mungu. Alléluia. Amina. Il est écrit. Imeandikwa. Dans 1 Samuel 2, 35. Samueli wa kwanza, mbili, makumi tatu na tano. Plutôt Exode 19, 6. Kutoka kumi na tisa, mustari wake wa sita. Vous serez pour moi mutakuwa un royaume kwangu ufalme des sacrificateurs ya makuhani une nation sainte na mutakuwa taifa takatifu. Voilà les paroles tazama maneno que tu diras aux enfants d'Israël ambao utaambia wana wa Israeli. Vous serez pour moi mutakuwa kwa ajili yangu un royaume ufalme de sacrificateurs ya makuhani une nation taifa sainte takatifu. Frères et sœurs, l'église dada kaka kanisa est un royaume inakuwa ni ufalme de Dieu wa Mungu. Pas du pasteur Eston, hapana wa mchungaji Eston. Pas du pasteur Verno, hapana wa mchungaji Verno. Mais de Jésus-Christ. Lakini wa Yesu Kristo. Jésus dit dans Matthieu 16, 18, Yesu anasema ndani ya Mathayo 16, 18, nitajenga kanisa langu. Ni la mort, hata kifo, ni le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa langu. Mais tu vas bâtir ton église pour faire quoi? Lakini utajenga kanisa lako ili lifanye nini? Dans Matthieu 9, 35, ndani ya Mathayo 9 mstari wa 35, Jésus parcourait toutes les villes Biblia nasema Yesu et les villages kila miji na vijiji, enseignant dans les synagogues, akifundisha ndani ya masinagogi, prêchant la bonne nouvelle du royaume, akihubiri habari njema ya ufalme, et guérissa toute maladie et toute infirmité. Na kiponya kila ugonjwa na kila ulemavu. Il prêche la bonne nouvelle du royaume. Anahubiri habari njema ya ufalme. Pour que quoi arrive? Ili nini ifike? Il est en train de bâtir son église. Iko najenga kanisa lake. Comment il bâtit son église? Anajenga namna gani kanisa lake? Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Anatangaza habari njema ya ufalme. Autrement dit, kwa maneno mengine, il est en train de recruter iko na uandikisha les membres de son royaume. Wana member wa ufalme wake. Il est en train de chercher iko natafuta les personnes watu qui vont être membres de son royaume. Ambao watakuwa wana member wa ufalme wake. Et il obtient ces membres de son royaume. Na napata wana member hao moyen de la conversion. Kupitia okovu. Croyez à Jésus-Christ. Mwamini Yesu Kristo. Signifie. Inamaanisha. Engagez-vous. Mujitoe. À entrer dans le royaume. Kwa kuingia ndani ya ufalme. De notre Père céleste. Ya Bwana Baba wetu wa mbinguni. Le royaume. Ufalme. Dans Matthieu 24, 14. Matthayo 24, 14. Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Neno hili la ufalme litahubiriwa ndani ya mataifa yote na hapo C'est-à-dire l'évangile, c'est un évangile du royaume. Évangile du royaume. Jésus dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Cherchez le royaume. Et si vous avez gagné le royaume, les autres choses vous seront données par-dessus. Il n'y a pas de meilleure stratégie de gagner le royaume que de gagner le cœur du roi du royaume. Gagner le cœur du roi du royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Veut dire donc, cherchez premièrement le cœur de Dieu. Cherchez premièrement à gagner le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce que nous cherchons premièrement? Les choses de ce monde, mambo ya dunia hii, le mariage, ndoa, les voitures, tunatafuta magari, les maisons, nyumba, le bien-être, kuishi vizuri, les droits, ile haki, nos droits, haki zetu. Même quand nous allons devant la face du Seigneur, hata tunapoenda mbele ya uso wa Bwana, rares sont les personnes, watu wadogo, qui s'approchent de Dieu, ambao wanamsogelea Mungu, et qui se prosternent et disent, ambao wanapiga magoti wakisema, mon Père céleste, baba yangu wa mbinguni, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, unapenda nikufanyie nini, ce matin, asubuhi ya leo. La plupart nous allons, wengi tunaenda, et nous disons, na tunasema, mon Père céleste, baba wangu wa mbinguni, qu'est-ce que tu vas faire pour moi aujourd'hui, utanifanyia nini siku ya leo. Qui est celui qui va devant Dieu, préoccupé par les intérêts de ce Dieu-là, les intérêts de ce royaume-là? Si Dieu décidait d'être compte comme nous, on va beaucoup pleurer nous tous. Hein? Si Dieu opérait comme nous, on va pleurer. Or, il a déjà dit dans sa parole, Jésus a dit à ses disciples, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Et Dieu pratique cette parole. Il est écrit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, il voulait que nous puissions l'aimer. Et il a commencé par nous aimer. Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Il voulait que nous, on lui donne nos cœurs. Il voulait que nous, on lui donne ce qui était précieux pour nous. Et il a précédé à nous donner ce qu'il avait de précieux, son Fils unique. Dieu pratique la parole. Il nous a aimé le premier. Il a posé des actes pour gagner nos cœurs. N'est-ce pas qu'on chante cela dans un cantique? Le wimbo na semaka nini? C'est cantique. Tu m'as séduit, tu m'as gagné. Quelque chose de ce genre-là. En fait, Nikusema, Dieu Mungu a gagné nos cœurs. Amepata roho zetu. Quand tu viens au Seigneur, wakati unakuja kwa Bwana, et que tu t'approches ici pour na unapokaribia recevoir hapa, Jésus, ili umpokee Yesu Kristo. Pourquoi tu viens? Sababu gani unakuja? Parce qu'on vient de te raconter sababu wamekuhadisia que Jésus a souffert pour toi. Ya kwamba Yesu Kristo aliteseka juu yako. Que ce Dieu-là a un plan merveilleux pour ta vie. Na ya kwamba Mungu ule na mpango mzuri. Et qu'il a même confectionné une grande destinée pour ta vie. Na ya kwamba alitayarisha hatima kwa ajili ya maisha yako. Que tu es appelé à la grandeur. Na umeitwa kwa ukubwa. Et que la situation dans laquelle tu es. Na hali unayokuwa ndani. Comme pécheur. Kama vile mtenda dhambi. Tu es en train d'aller sur le chemin de l'enfer. Uko naenda kwenye njia ya kuzimu. Et que le jugement sera terrible. Na kwamba hukumu itakuwa adhabu. Et que éternellement tu vas graisser les dents. Na ya kwamba milele utakuwa kisagameno. Et Dieu gagne ton cœur. Na Mungu anapata roho yako. C'est pourquoi tu viens à lui. Ndio maana unakuja kwake. Lorsque nous gagnons le cœur de Dieu. Wakati tunapata roho ya Mungu. Dieu vient à nous aussi. Mungu anatujia na sisi. Tu veux que Dieu vienne? Unapenda Mungu akuje? N'est-ce pas que nous prions, Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens. Tunaomba Mungu kuja, Bwana kuja. Les paroles là, maneno hayo, devraient être corrigées et changées. Yange paswa rekebishwa na kubadilishwa. Oh Seigneur, tukisema, je veux gagner ton cœur. Bwana napenda nipate roho yako. Qu'est-ce que je pose comme acte? Na nini nitafanya kama tendo? Je m'inscris Seigneur. Najiingiza Bwana. Dans la logique. Ndani ya mawazo. De ton royaume. Ya ufalme wako. S'inscrit dans la logique du royaume de Dieu est une autre manière de dire Seigneur, je veux ton cœur. Je veux ton royaume. Amina. Qu'est-ce que Dieu a sur la terre? Si ce n'est son royaume. Il travaille sur quel dossier sur la terre? Son royaume. Dans Matthieu 25, 34. Il est écrit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Depuis quand? Depuis la fondation du monde. Wow. Alléluia. C'est pas d'hier. Le royaume n'a pas été préparé à l'issue du tournant décisif ou des eaux profondes ou d'un jeûne de 100 jours que j'ai fait. Seigneur, j'ai tellement gêné. Alors tu as créé le royaume pour moi. Non, depuis la fondation du monde. Depuis la fondation du monde, tangu kujengwa kwa dunia, Dieu a préparé le royaume. Mungu alitayarisha ufalme. Et il nous veut dans ce royaume. Na anatupenda ndani ya ufalme wake. Il te veut dans ce royaume. Anakupenda ndani ya ufalme huo. Et pour gagner son cœur, na ili uweze kupata roho yake, il faut pénétrer les choses qui lui tiennent à cœur. Inaweza unapaswa kuingia ndani ya mambo ambayo inagusa moyo wake. Le souci de Dieu, itaji la Mungu, c'est son royaume. Ni ufalme wake. Tu veux être son ami? Unapenda uwe rafiki yake. Intéresse-toi à son royaume. Furahia ufalme wake. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce que vous êtes toujours là? Muko hapo? Je peux vous voir? Naweza nikawaone. Et vous savez, depuis le commencement, na mnajua tangu mwanzo, quand vous lisez Genèse chapitre 2, verset 15-16, unaposoma mwanzo 2, 15-16, vous allez vous rendre compte de ceci. Utaona hii. Ce royaume a commencé depuis avant que le péché soit là. Ufalme hii ilianza mbele zambi haijafika. Lorsque Dieu crée l'homme, wakati Mungu anamuumba mwanadamu, il lui dit, anamwambia, cultivez le jardin, mlime shamba la Edeni, et gérez le jardin. Na mwende mkaongoze hili shamba. Il n'y a pas notion, hakuna jambo, d'évangélisation, la kuhubiri hapo. Seulement, kuna tu, cultivez le jardin, kulima shamba, gérez le jardin. Kuongoza shamba. Autrement, kwa maneno mengine, travaillez sur votre environnement. Mwende mukatumikie ndani ya mazingira yenu. Faites des richesses. Na mufanye utajiri. Travaillez votre bien-être. Mwende mukatumike juu ya kuwa kwenu sawa. Et quand vous lisez ce texte, na unaposoma andiko hili, à partir du verset 7, kuanzia shaili la 7, vous trouvez une description merveilleuse. Unaona mafasirio ya mzuri sana. Il dit, et de là coulait un fleuve qui se séparait en quatre bras. Inaandikwa hapo kulikuwa mtu ambao alikuwa unapita njia ile. Si tu veux acheter un territoire ou un champ, kama unapenda ununue shamba ama nchi, il faut chercher un champ dans lequel il y a de l'eau. Inaomba utafute shamba ambao ndani yake mna maji. Est-ce que je dis vrai? Je mimi nasema kweli. Où il y a de la rivière. Mahali ambapo kuna mto. Et le Dieu des cieux, lorsqu'il conçoit l'endroit où va vivre son fils, il fabrique un fleuve qui se sépare en quatre bras. Donc il peut nager. Vous voyez? Les histoires de plages. Allô? Allô? Les histoires de pirogues pour aller me promener. En fait, le bien-être était déjà prévu là. Et dans l'idée de Dieu, il n'y a pas d'évangélisation. Il y a le bien-être total. Et puis il n'y a pas de stress. C'est-à-dire, il n'y a même pas d'habits à porter. C'est une vie sans stress. Ils sont simplement là. Wanakuwa tu hapo. Et tout va bien. Na mambo yote nakuwa sawa. Bwana sifiwe. Amina. Est-ce que tu as déjà pensé? Je me suis fikiria. Un seul instant. Saa moja. Que au commencement, ya kwamba mwanzo, Dieu avait de bonnes idées sur ta vie. Mungu alikuwa na mawazo mazuri juu ya maisha yako. C'est pourquoi il dit, je connais moi le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Si tu prends ce verset, tu remets ça avant Genèse chapitre 3. Parce qu'à partir du chapitre 3 que tout se gâche. Mais avant le chapitre 3, tout est merveilleux. Tu veux manger les fruits? Il y en a. Kuna. Tu veux regarder les arbres? Les arbres beaux à voir? Il y en a. Kuna. Les arbres bons à manger? Il y en a. Ziko. Il y a toutes sortes de choses selon son espèce. Kuna mambo yote kwa kila aina. Tout va bien. Même les animaux n'inquiètent pas Adam. Les lions peuvent venir les saluer. Simba naweza kuja kumsalimu. Les serpents peuvent venir aussi les saluer. Hata na nyoka naweza kuja kumsalimu. C'est sans stress. Inakuwa bila kukasirika, bila huzuni. Ambia jirani yako. Au commencement, mwanzoni, Dieu a prévu pour toi une vie sans stress. Mungu alitarisha maisha yako ya bila kukasirika. Bila uchungu. Bila uchungu. Les stress sont venus avec le péché. Uchungu mekuja kupitia zambi. Et le royaume que Dieu confectionne pour nous, na ufalme ambao Mungu anatengeneza kwetu, quand il te dit, reviens dans mon royaume, anapokuambia rudi ndani ya ufalme wangu, il veut te ramener dans cet environnement sans stress. Anapenda kurudisha ndani ya ile mazingira ambao ndani yake hamna uchungu. Dans cet environnement où tout est là. Ndani ya mazingira ambao mambo yote iko. Dans cet environnement où il a tout préparé correctement. Ndani ya mazingira ambao ametayarisha yote. Le diable est venu naviguer dedans et il a tout gâché. Lakini shetani alikuja akaingia ndani na karibisha yote. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Donc, ni kusema, le Père céleste, Baba wa mbingu, ne voulait que alikuwa tu nahitaji ton bien, wema wako, ou ama dans son royaume. Wapi ndani ya ufalme wake. Il voulait que toi alipenda wewe te placer dans ta saison. Akuweke ndani ya wakati wako. Afin que tu produises. Ili uweze kuzaa. Et que tu sois heureux. Na ukuwe na heri. Le royaume. Ufalme. Et Dieu. Na Mungu. Est touché. Anakuswa. Par quiconque. Kwa yeyote. S'engage dans la logique de ce royaume. Na yeyote anayejitoa ndani ya mawazo ya ufalme wake. Il dit dans Matthieu 26, 29, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est-à-dire que le royaume, ce n'est pas seulement ici sur la terre. Jésus annonce à ses apôtres que ça a commencé. Ya kwamba ilianza. Mais même dans le royaume, quand vous allez quitter cette terre, lakini hata ndani ya ufalme mtakapotoka ndani ya dunia hii, le royaume va continuer. Ufalme utaendelea. Ça veut dire, ni kusema, la vie éternelle, uzima wa milele, que nous prêchons, ambao tunawahubiria, se passe dans un royaume. Inapitikana ndani ya ufalme. Le salut que nous obtenons est une traversée d'un royaume ya kutoka ufalme moja, à un autre royaume hadi ufalme mwingine, meilleur que le précédent ambao ni nzuri kushinda iliyopita. Il est écrit, il nous a transporté du royaume des ténèbres, imeandikwa ametutosha toka ufalme wa giza, et nous a amené dans le royaume de son fils bien-aimé, na akatupeleka ndani ya ufalme wa mwana wake, nous avons le pardon, la rémission des péchés, ambao ndani yake tuna msamaha na kusamehewa sana. Dit à ton voisin, c'est une affaire des royaumes. Ambia jirani yako, hii ni mambo ya ufalme. Maintenant dis-lui, tu dois choisir lequel tu acceptes. Sasa mwambie unapaswa. Il faut faire un choix. Tu choisis quel royaume? Inaomba uchagua na chagua ufalme gani? Moi j'ai choisi le royaume de Dieu. Mimi na chagua ufalme wa Mungu. Alléluia. Amina. Alors donc quand Dieu nous sauve, wakati Mungu anatuokoa, il nous récolte, anatufuna, pour son royaume, kwa ajili ya ufalme wake, pour les raisons suivantes, kwa ajili ya sababu zifuatazo. Cinq raisons. Kuna sababu tano. La première, sababu ya kwanza, il nous récolte anatuvuna pour nous faire échapper à la perdition et à la condamnation éternelle. Ili atuepushe kupotea na kuhukumiwa milele. Deuxième raison, ya pili, il nous récolte anatuvuna pour nous procurer la vie effective. Ili atupatie maisha kamilifu. Il dit, je suis venu anasema, afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Jean 10:10. Troisième raison, il nous récolte anatufuna pour nous faire participer à sa dignité. Ili atufanye tuchangie kwa heshima yake. Nous avons dit, quand tu gagnes le cœur de quelqu'un, tulisema unapopata roho ya mtu, s'il est grand, kama yeye ni mkubwa, tu vas commencer à participer à sa gloire. Na utaanza kuzuria kwa ile utukufu wake. Dieu nous récolte, Mungu anatuvuna, pour nous faire participer à sa dignité. Ili atufanye tuchangie kwa ufalme wake. Et quatrièmement, na ya ine, il nous récolte anatuvuna pour nous impliquer, ili atuingize dans les objectifs ndani ya shabaha de ce royaume là. Za ufalme wake. Des objectifs multiples. Shabaha nyingi. Des objectifs shabaha multiples. Nyingi. Bwana sifiwe. Amina. Et quels sont ces objectifs? Na shabaha hizi ni nini? Premier objectif, shabaha ya kwanza, le service au roi du royaume. Kazi kwa mfalme wa ufalme. J'entre dans le royaume de Dieu pour servir le roi de ce royaume. Et le roi de ce royaume, c'est Dieu lui-même. Quand Jésus a dit, je bâtirai mon église, il se met à sa place. Bwana sifiwe. Amina. Je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa langu. Nous servons le roi du royaume. Tunamtumikia Mungu wa mfalme. Par notre adoration. Mfalme wa ufalme kupitia maabudu yetu. Le roi de notre royaume, c'est Dieu. Ufalme, mfalme wa ufalme wetu ni Mungu. Dans les royaumes de la terre, na ndani ya mafalme za dunia, il y a un roi humain. Kuna kuwa mfalme ambao ni mwanadamu. Mais ce roi humain, lakini ule généralement, il représente le Dieu de ce royaume-là. Anaakilisha Mungu wa ile ufalme. C'est pourquoi vous allez observer dans nos coutumes, dans nos milieux coutumiers, ndio maana mtachunguza ndani ya mila na asili zetu, l'intronisation du roi, kushimika mfalme, c'est des cérémonies terribles. Inakuwa masherehe ambazo ni za hatari. On essaie de le recharger. Wanamuingiza vitu. De l'onction de son royaume. Wanamtia upako wa ufalme wake. Par les démons. Kupitia mapepo. Par toutes sortes de forces. Kupitia nguvu zo za kilai. On lui fait habiller des choses. Wanamvalisha mambo. Les uns, on les fait habiller la peau du lion. Kuna wengine wanawavalisha ngozi ya simba. Il faut que notre roi soit comme un lion. Ili waseme ya kwamba mfalme wetu anapaswa kuwa kama simba. Les autres les habillent la peau de léopard. Wengine wanamwatia ngozi ya chui. Les autres ont déposé des choses. Wengine wanaweka mambo tu yao. Pour les uns, s'il y avait un monsieur qui était puissant dans le passé, on prend ses ossements ou son crâne, on lui fait proporter. Na wengine kama kuna mtu ambaye alikuwa na nguvu ndani ya ufalme huo, wanachukua mawe yake na wanampatia. Wanapenda En fait, on aurait voulu que cet homme-là soit leur Dieu. Mais pour qu'il soit leur Dieu, on doit lui recharger du surnaturel. Pour que, quand il va commencer à fonctionner, la population puisse retrouver en lui un Dieu et qu'il ait la capacité d'ôter la vie, de donner une faveur na kibali, et que personne ne va lui résister. Na kuna mtu maintenant pour nous, sasa kwa ajili yetu, l'avantage c'est quoi? Kuna bahati gani, Dieu n'est pas un homme. Mungu si en fait, il est Dieu simplement. Yeye ni Mungu. On l'appelle Yahweh. Wanamuita Yahweh. Je suis celui qui suis. Mimi ni yule nilie. Avant que tout existe, mbele yote haijafika, lui il était déjà yeye là. Alikuwa amesha kuwa. Avant que le temps commence, mbele wakati haijaanza. Lui, il était déjà. Et lorsqu'il a engendré la matière, na wakati aliweza kutoa ile mambo, matière, la matière. Vitu vya kugusa. Vous savez, le temps commence avec la matière. Si mnajua wakati inaanza na vitu vya kugusa. Quand il n'y a pas matière, il n'y a pas temps. Wakati hakuna vitu, hakuna wakati. C'est pourquoi je vous ai dit dans un séminaire la fois passée. Ndio maana niliwaambia ndani ya mkutano moja. Que même ce que nous appelons plus infini et moins infini. Hata ile ambayo tunasema kwamba mwisho uko na kule. C'est en fonction du temps. Inafuatana na wakati. Parce que quand il n'y a pas matière, sababu wakati hakuna vitu, il n'y a pas de temps. Hakuna wakati. Et Dieu na Mungu vit anaishi dans l'absence du temps. Ndani ya kukosekana kwa wakati. C'est nous dans l'univers. Ni sisi ndani ya ulimwengu. Qui vivons le temps. Ambao tunaishi wakati. Parce que nous sommes matière. Sababu sisi ni vitu. Et nous sommes dans la matière. Na tuko ndani ya kitu. Et acclamer ce Dieu, un Dieu comme ça. Je disais donc, nilisema, le premier objectif shabaha ya kwanza, auquel nous servons dans ce royaume, ambao tunatumikia ndani ya ufalme, c'est servir au roi ni kutumikia mfalme wa ile ufalme. Le service au roi de ce royaume. Kutumikia mfalme. Le deuxième objectif, shabaha ya pili, c'est le recrutement. Ni kujiandikisha. Le recrutement des autres êtres humains dans le royaume. Wanadamu wengine ndani ya ufalme. Tu veux gagner le cœur de Dieu. Unapenda upate roho ya Mungu. Engage-toi. Ujitowe. À recruter. Ili uandikishe. Les autres êtres humains. Watu wengine. Pour le royaume. Kwa ajili ya ufalme. Engage-toi. Ujitowe. À chercher. Kwa kutafuta. Des hommes et des femmes. Wanaume des na wanawake. Des enfants. Wazee na watoto. Pour qu'ils entrent aussi dans le royaume. Ili waingie nao ndani ya ufalme. Quand tu amènes une seule âme à Christ. Wakati unaleta nafsi moja kwa Kristo. Il y a une grande fête au ciel. Kuna kuwa karamu kubwa mbinguni. Et ça. Na hii. Ça touche le cœur de Dieu. Inakusa roho ya Mungu. Et tu commences à gagner son cœur. Na unaanza kupata roho yake. Lorsque tu as gagné des âmes à Jésus. Wakati umewina nafsi kwa ajili ya Yesu Kristo. Tu gagnes son cœur. Umepata roho yake. Tu as recruté dans le royaume. Umeandikisha ndani ya ufalme. Tu es éligible uko umechaguliwa à sa dignité. Kwa kupata heshima yake. Bwana sifiwe. Amina. Le troisième objectif, shabaha ya tatu, c'est la défense ni kutetea de notre royaume kutetea ufalme wetu par la puissance de Dieu. Kupitia uwezo wa Mungu. C'est-à-dire, ni kusema, quand tu t'engages dans le royaume, wakati unajitoa ndani ya ufalme, quand tu entres dans la logique du royaume, unapoingia ndani ya mawazo ya ufalme, tu es appelé umeitwa à défendre utetee le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu. Mais tu n'as pas le pouvoir de défendre ce royaume. Lakini hauna uwezo wa kutetea ufalme huu. À moins que tu obtiennes la puissance de ce Dieu que tu défends. Kama hujapata uwezo wa ule Mungu ambao unatetea. C'est un cercle vicieux. Inakuwa kama ni mfiringo. Dieu te donne sa puissance. Mungu anakupatia uwezo wake. Pour que tu défendes ce royaume. Ili uweze kutetea ufalme wake. Or plus tu défends ce royaume. Zidi unatetea ufalme wake. Plus tu gagnes son cœur. Zidi unapata roho yake. Il te trouve intéressant. Anakuona uko na maana. Il dit cet enfant là. Anasema ule mtoto ule. Je peux compter sur lui. Naweza kumtegemea. Bwana sifiwe. Amina. Quatrième objectif. Shabaha ya ine. C'est la dignité de notre royaume. Ni heshima ya ufalme wetu. Participer à la dignité de son royaume. Kuhudhuria kwa heshima ya ufalme wetu. Je veux dire travailler. Nitasema kutumika. Pour que le royaume de Dieu. Ili ufalme wa Mungu. Accède à sa dignité. Yende kafikie heshima yake. Faire tout ce qu'il faut. Fanya yote inayowezekana. Pour la dignité du royaume de Dieu. Kwa ajili ya heshima ya ufalme wa Mungu. Est-ce que mko hako? Vous êtes là? Mungu wako. Vous êtes là. La dignité du royaume heshima ya ufalme passe par notre sanctification. Inapitia kwa utakatifu. passe par la qualité de ce que nous sommes dans le royaume. Et lorsque j'ai accepté la logique du royaume, je comprends qu'il y a des choses que je ne dois pas faire parce que ces choses-là n'entrent pas dans la dignité du royaume. Mais je comprends aussi qu'il y a des choses que je dois faire pour construire la dignité du royaume. Nous autres, nous passons nos journées à construire nos propres dignités. Que Dieu profite, que le voisin en profite ou non, ce n'est pas un problème. Je suis là pour ma dignité. Mais quelqu'un qui opte pour la dignité, la logique du royaume, il travaille sur l'objectif de la dignité du royaume. Maintenant, regarde-toi. Est-ce que ta vie contribue à la dignité du royaume? Ou ta vie, c'est un témoignage flagrant de l'indignité du royaume? Cinquième objectif, ou quatrième, la prise en charge des membres du royaume. Et j'aime mieux dire la prise en charge des membres de notre royaume. Tu peux dire avec moi notre royaume. C'est notre royaume. Jésus a dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois pour notre Dieu. C'est notre royaume. Quand tu acceptes cette logique, tu comprends que tu travailles pour notre royaume. Tu peux encore dire notre royaume. Vous êtes fatigué? Vous êtes toujours là? Dites notre royaume. Notre royaume. Écoutez-moi bien, mes amis. Ce message est très profond et grave. Parce que ça te permet d'aller obtenir le cœur de Dieu. Et dès que tu as le cœur de Dieu, c'est parti. Nous parlons de quoi? Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais comment tu vas réussir si tu n'as pas le cœur de Dieu? La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Et puis Jésus dit, recevez le royaume de Dieu comme les petits enfants. Il dit, le royaume de Dieu pour ceux qui le ressemblent. C'est-à-dire des gens qui entrent dans la logique de leur famille. Regardez le petit enfant à la maison. Pour lui, son père, c'est son roi. Vous avez déjà constaté ça? Il est même possible que son père, c'est son Dieu. Parce qu'il ne croit pas que son père peut échouer. Et si son père peut même tomber malade. Non. Son père amène toutes les solutions. Tout ce que l'enfant connaît, c'est ce que son père a fait. Y compris le mettre au monde. Donc son père c'est tout. Comme dans nos royaumes coutumiers, où le roi du royaume, c'est tout. Au plan spirituel, s'il dit, il est chamba et nakuwa yangu à partir à leo. Ce champ devient à moi à partir d'aujourd'hui. Il n'y a pas de discussion. Hakuna kubishana naye. Mais s'il dit aussi, lakini akisema pia, toi je t'ai aimé, wewe hapa kabisa nimekupenda, à partir de cette rivière, kuanzia hii mto, jusqu'à telle rivière à 100 km, je te donne. Vous avez vu le Hérode qui a égorgé Jean-Baptiste pour une danse. Oh mon Dieu. Allez, dansez. Et la petite danse. Et le monsieur, il est roi. Naomu, il dit, je te donnerai anasema, tout ce que tu... Même la moitié du royaume. Yoto, yomba, ya ufalme. Écoutez-moi bien. Munisikilize vizuri. Comment tu te considères, monsieur Hérode? Unajiona namna gani wewe Herode? Tu te considères comme Dieu? Unajiona kama Mungu? Et pour preuve, na kwa kutambulisha hiyo. Malheureusement, la petite demande conseil à sa maman. Bahati mbaya huu msichana anaomba shauri kwa mama yake. Oh, mama ingine, oh, baba mama. Oh, les autres mama. Et la maman dit, na mama anamwambia, tu sais, si unajua, je suis dans ce couple ici, dans cette relation. Niko ndani ya nyumba hii. Mais il y a un gars. Lakini kuna kijana moja. En prison. Ambaye yuko gerezani. Il est en train de parler contre notre couple quoi. Niko nazungumza mambo mabaya juu ya parle contre notre relation, tu vois? Si mnaona? Au lieu pale que toi tu demandes la moitié du royaume. Wewe ombe nusu ya ufalme. Si on coupe la tête de ces messieurs là. Kama wanakata kichwa ya ule baba. On va être sans stress. Hatutakuwa na uchungu wote. Dans cet union. Ndani ya hii unyumba wetu. Alors fais ceci. Sasa fanya hivi. Demande la tête de Jean-Baptiste. Uombe kichwa cha Yohane Mbatizaji. Pauvre enfant. Oh, maskini ya mtoto naye. Instruis l'enfant. Umfundishe mtoto. Si la voie qu'elle doit suivre. Kwenye njia ambayo atakayoifuata. Est-ce qu'elle connaissait même que la mort d'un être humain, ce n'est pas normal? Je alikuwa anajua ya kwamba kifo cha mtu mzima haiko kawaida. Haiko mzuri. Tu vas égorger quelqu'un? Na kesho utamchinjisha mtu. Et puis on met la tête sur le plat. Na kesho wanaleta kichwa juu ya sahani. Et elle amène à sa mère. Na naletea mama yake. Imaginez-vous. Muone sasa. C'est une dot. Inakuwa mali. Femme. Tu dotes le roi par la tête d'un homme de Dieu. Una pana mali ya kuoa mume wako kupitia kichwa cha mtumishi wa Mungu. Je sais pas si elle a ri, si elle était contente. Sijui kama alicheka, kama alifurahi. Si c'était vous à sa place. Kama ilikuwa wewe kwa nafasi yake. Ce serait un double sentiment. Qu'est-ce que je fais? Ok, on fait quoi maintenant? Tunafanya nini sasa? On va à l'enterrement. Tunaenda kwa mazishi. Ou on donne aux gardiens, dit bon, mon bébé qui tue à Jean-Baptiste, c'est moins de tout pas. Ama tutaambia walinzi mchukue kichwa na mwende. Et pour toi, la vie de ton prochain n'a pas de sens. Na wao koko maisha ndugu yako haina maana. Tu ôtes la vie des gens. Unaua maisha ya watu. Ça te dit rien? Na ikwambia kitu? Et puis la tête de Jean-Baptiste est là. Na kisha Yohana Mbatizaji iko hapa kwa kichwa chake. Et la fille. Na huu dada. Toi qui as dansé. Wewe ambao ulicheza. Ta mère n'a même pas transpiré. Mama yako hakutosha hata jasho. C'est toi qui as transpiré. Ni wewe ambao ulitoa jasho. Mais on n'a pas tani. Tia iko maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Kuna pitikana nini? L'idée que le roi a de lui. Wazo ambao il se prend pour un dieu. Anajiona kama Mungu. Est-ce qu'il y a des parents ici? Je hapa kuna wazazi. Cessez de vous prendre pour des dieux. Mwache kujikamata kama vile Mungu. Il y a des gens qui écrasent leurs agents au travail. Kuna watu ambao wanaponda ponda watumishi wao kazini. Dans les ONG. Ndani ya makampuni. Dans les entreprises. Ndani ya makampuni. Même dans les familles. Hata ndani ya majamaa. Domestique bana muponda. Boyi wanamuponda kabisa mpaka aone. Hana kwa kusemea. Chamte mama kuni. Qu'est-ce qui se passe? Kuna pitikana nini? Tu te prends pour un dieu ou quoi? Unajikamata kama Mungu wa manini? Qu'est-ce qui arrivera? Nini itapita? Si lobby kama ta domestique ule boy wako est épousé par quelqu'un anaolewa na mtu et qui devient gouverneur na anakuwa ou qui devient aussi grand ama anakuwa mtu mkubwa et que tu viens na unakuja pour introduire un dossier ili uende kaweke kesi yako hapo. Qu'est-ce que cette fille, femme, devenue femme va dire? Ou binti ambaye amegeuka mwanamke atasema nini? Il faut qu'elle se venge. Inaomba alipize kisasi. Mais ce jour-là, siku ile, tu seras gentil. Utakuwa mtu mzuri sasa. Unifikishe kwa mama. Il faut me faire arriver là où est la maman. Huyu ni mtoto wangu. C'est mon enfant. Nilimkomalisha. Ulimkomalisha. Wewe ulimkomalisha tila ile. Ponda wewe ulimponda. Tila écrasé. Ulimponda. Tila écrasé. Nous ne sommes pas des dieux. Même quand tu es grand sur cette terre, tu n'es pas plus grand que Dieu. Il y a un Dieu, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui seul qui est grand. Nous sommes tous des petits. Alors, gagne le cœur de ces grands-là. Ya ule mkubwa. Comment? Inscris-toi dans la logique de ce royaume. C'est la première chose qui nous permet de gagner son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions au 50e objectif. Cinquième. Le sixième objectif, c'est l'établissement du système de vie de notre royaume. Vous savez, lorsque vous ne comprenez pas la notion du royaume de Dieu, si tu ne te rends pas compte de ta position dans le royaume, tu vas commettre beaucoup d'erreurs dans la vie chrétienne. Vous savez, le royaume est constitué par quatre choses. Qui dit royaume dit un roi, un territoire, un peuple et un système de vie. Nous sommes ensemble. Il n'y a pas de royaume sans roi. Et si tu es un roi sans peuple, ce n'est pas du royaume ça. Et puis si tu es un roi sans territoire, c'est compliqué pour toi. Et quand il y a un royaume, il y a un système de vie dans le royaume. Kuna aina ya on peut aussi appeler l'esprit de ce royaume-là. Kuita roho ya je vous ai dit dans un séminaire passé, ndani celui ya qui veut tuer une nation, anapenda uwe taifa, ou l'efficacité de tuer une nation, ambao, ama nguvu ya kuwa taifa, c'est de tuer l'esprit de cette nation. Ni kuua roho ya ile taifa. C'est-à-dire le système de vie de cette nation. Ni kusema aina ya kuishi ya ile taifa. Ou l'esprit de cette nation. Ama roho ya ile taifa. Le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu. A ce système de vie. Inakuwa na aina yao ya kuishi. Qui est décrit par la parole de Dieu. Ambayo inaonekana kupitia neno la Mungu. Qui est décrit par le Saint-Esprit. Ambayo inaonekana kupitia Roho Mtakatifu. Et qui est décrit par les lois de Dieu. Na ambayo inaonekana kupitia sheria za Mungu. Tu veux atteindre l'esprit de Dieu. Unapenda ufikie l'esprit du royaume. Roho ya ufalme. Il faut lire la Bible. Inaomba usome Biblia. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut obéir aux lois de Dieu. Ces choses-là vont te conduire sûrement à gagner le cœur de Dieu. Ça va? On va continuer demain. Lève-nous, on va prier. Le message vous a fatigué, hein? Alléluia. Amina. Tout va bien? Mambo inaendeka sawa. On peut acclamer le Seigneur. Naweza kushangilia Bwana. Aide-moi à dire à trois personnes. Nisaidie waambie watu watatu. Je suis membre du royaume de Dieu. Mimi ni mwanamemba wa ufalme wa Mungu. Et je veux m'inscrire nitajiingiza dans la logique ndani ya mawazo du royaume de Dieu. Ya ufalme wa Mungu. Ça va me conduire à gagner le cœur de Dieu. Na itaniongoza ili niweze kupata roho ya Mungu. Commence à prier. Anza kuomba. Demande à Dieu. Omba Mungu. De t'aider. Akusaidie. À comprendre. Ili uelewe la logique de ce royaume. Mawazo ya ufalme wake. Et à t'inscrire. Na ujiingize dans la logique de ce royaume. Ndani ya mawazo ya ufalme wake. Demande ça. Omba hiyo. Dites à Dieu. Waambie Mungu. De t'aider à comprendre ça. Akusaidie uelewe. Parce que c'est un chemin obligé. Pour la réussite dans notre vie. Tu ne réussiras pas si tu n'as pas le cœur de Dieu. Dis-moi réussir selon Dieu. Réussir selon Dieu traverse la frontière de la tombe. Quand nous réussissons selon Dieu, l'impact de notre réussite traverse la mort. Quand nous réussissons selon les hommes, le terminus c'est la tombe. Et ça, ce n'est pas réussir. Quelqu'un doit réussir pour l'éternité. Demande à Dieu de t'aider à conquérir son cœur. Demande à Dieu de t'aider à avancer dans la logique du royaume de Dieu. Prions notre Dieu. Quelque parle au Seigneur, s'il te plaît, parle au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Je veux être agréable à toi. Je veux gagner ton cœur. Amène-moi.